T'es une bite ou t'es une bite? Je crois que t'es une bite. Ok, avant de commencer, je voulais dire que je suis visionnaire. Tu sais pourquoi? Parce que je sais, avant même d'avoir écouté ton track, de quoi tu vas parler dedans. Je sais que tu vas te moquer sur mon accent allemand en essayant de l'imiter. Mais je crois que ça, c'est limitant. Alors check ça. Le réveil sonne, c'est l'heure de rentrer dans ton rêve, Freddy. Un cauchemar, carabouillé jaune, du coup de ma tumeur est issue. De mes plaies infectées de putréfaction, par le fait de me sectionner les veines pour laisser un trou dans ma peau afin d'épicer dedans. Et quand vient la célébration de notre accouplement, je prends cette bouillie qui est en vérité mon enfant, car elle découle de la mixture d'un habile mélange entre la pourriture de mon corps et de mon sang. Et je l'ingurgite dans mes narines en la mettant dans une seringue que j'enfonce dans mes parois nasales pendant que je me taille une pine. Et lorsque tu entoures de tes lèvres humides mon gland sec pour susurrer délicatement avec ta langue dans l'intérieur de ta bouche et les veines qui ressortent de la vie du mec que je suis, je m'étouffe volontairement, mon ami, en me mettant avec plaisir une pince sur le nez, permettant au liquide que j'ai pu dégouler par mes pores en passant par mes veines pour aller dans le bain de mon corps et se mélanger avec la partie extérieure de mon sexe qui secrète le sperme. La réaction chimique qui en ressort est une pâtée gluante verdâtre qui trouve sa libération dans le fait de se propulser à 100 km/h lors de l'éjaculation. Dans ta gueule béante, c'est là que ta bouche devient entrepropice à la fécondation d'un millier de ce qui paraît être des postillons puants, mais qui en vérité s'avère être des mutations microscopiques de mes enfants encore au stade d'embryon, mais qui cependant, de par la multitude, leur grosseur et leur aspect paraissent à des tétards in vitro issus de l'éclatement du ventre par la pression de l'explosion du vagin d'une grenouille femelle enceinte arrivée au dernier stade de l'accouchement de ses rejetons et qui perd la vie pour donner naissance à ses progénitures. Bref, retiens la métaphore, car ma substance blanche qui s'agglutine dans le fond de ton palais est programmée pour se diriger dans les conduits intraveineux de ta carcasse qui mène au centre nerveux de ce qui reste de tes neurones d'hétéro. Ce processus a pour effet de te rendre aveugle, mais il transforme ton anus en globe oculaire qui va se greffer à la place de ta bouche. C'est pour ça que maintenant, à chaque fois que tu ingurgites des ingrédients, tu te sodomises et que tu vois par ton derrière, donc tu louches. Bref, tu fais partie de ceux qui regardent les pornos encryptés parce qu'ils ont pas le câble. Et tu fais partie de ces droitiers qui ont découvert que se branler avec la main gauche c'est plus agréable. Mais t'inquiète, je trouve faux mot. Bob, je trouve ça ok, que tu vas écouter à autre chose, parce que je comprends que c'est normal que quand on est en manque, on baisse moins pour cause. Alors va baiser ta mère, en lui ouvrant le ventre pour mettre ta tête dedans, parce que tellement t'as bu mon sperme hallucinogène que maintenant tu crois que ton crâne c'est un gland. Bref, retiens de mon fils, parce que je n'ai tellement hip-hop-franco.com qu'à force de le féconder, vous êtes tous mes enfants. M. Freddy, tu sais quoi? Retiens bien, man. Tu dis que t'es crissement bon, mais peut-être que c'est dû au fait que t'es canadien, que tu racontes toujours la même histoire comme Céline Dion. Freddy, tu dis que t'es crissement bon, mais peut-être que c'est dû au fait que t'es canadien, que tu racontes toujours la même histoire comme Céline Dion. Ok, coupe tout là. Hey, man. Et retiens que Yéman, c'est comme ta voiture, toujours en panne. Ouh. Freddy, ok, on se rencontre, comme toujours, demain soir devant le Blue Boy Fucking Bar, ok? On pourra s'envoyer en l'air.